et elle se mit à rêver d'amour. L'amour, il emplissait, depuis 2 années, de l'anxiété croissante de son approche. Maintenant, elle était libre d'aimer. Elle n'avait plus qu'à le rencontrer, lui. Comment serait-il? Elle ne le savait pas au juste, et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout. Elle savait seulement qu'elle l'adorerait de toute son âme et qu'il la chérirait de toute sa force. Il se promènerait par les soirs pareils à celui-ci, sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles. Ils iraient, les mains dans les mains, serrés l'un contre l'autre, entendant battre leur cœur, sentant la chaleur de leurs épaules, mêlant leur amour à la limpidité suave des nudités, tellement unis qu'ils pénétreraient aisément, par la seule puissance de leur tendresse, jusqu'à leurs plus secrètes pensées. Et cela continuerait indéfiniment, dans la sérénité d'une affection indestructible. Il lui sembla soudain qu'elle le sentait là, contre elle. Et brusquement, un vague frisson de sensualité lui courut des pieds à la tête. Elle serra ses bras contre sa poitrine, d'un mouvement inconscient, comme pour étreindre son rêve. Et, sur sa lèvre tendue vers l'inconnu, quelque chose passa qui la fit presque défaillir, comme si la laine du printemps lui eût donné un baiser d'amour. Tout à coup, là-bas, derrière le château, sur la route, elle entendit marcher dans la nuit. Et dans un élan de son âme affolée, dans un transport de foi à l'impossible, au hasard providentiel, au pressentiment divin, aux romanesques combinaisons du sort, elle pensa, si c'était lui. Elle écoutait anxieusement le pas rythmé du marcheur, sûr qu'il allait s'arrêter à la grille pour demander l'hospitalité. Lorsqu'il fut passé, elle se sentit triste comme après une déception. Mais elle comprit l'exaltation de son espoir et sourit de sa démence. Alors, un peu calmée, elle laissa flotter son esprit au courant d'une rêverie plus raisonnable, cherchant à pénétrer l'avenir, échafaudant son existence. Avec lui, elle vivrait ici, dans ce calme château qui dominait la mer. Elle aurait sans doute 2 enfants, un fils pour lui, une fille pour elle. Et elle les voyait, courant sur l'herbe, entre le platane et le tilleul, tandis que le père et la mère les suivraient d'un œil ravi, en échangeant par-dessus leur tête des regards pleins de passion. Elle resta longtemps, longtemps, à rêvasser ainsi, tandis que la lune, achevant son voyage à travers le ciel, allait disparaître dans la mer. L'air devenait plus frais. Vers l'orient, l'horizon pâlissait. Un coq chanta dans la ferme de droite. D'autres répondirent dans la ferme de gauche. Leurs voix enrouées semblaient venir de très loin, à travers la cloison des poulaillers. Et dans l'immense voûte du ciel, blanchie insensiblement, les étoiles disparaissaient. Un petit cri d'oiseau s'éveilla quelque part. Des gazouillements, timides d'abord, sortirent des feuilles. Puis ils s'enhardirent, deux vers vibrants, joyeux, gagnant de branche en branche, d'arbre en arbre. Jeanne, soudain, se sentit dans une clarté. Et, levant la tête qu'elle avait cachée en ses mains, elle ferma les yeux, éblouie par le resplendissement de l'aurore. Une montagne de nuages empourprés, cachés en partie derrière la grande allée de peuple, jetait des lueurs de sang sur la terre éveillée. Et, lentement, crevant les nuées éclatantes, criblant de feu les arbres, les plaines, l'océan, tout l'horizon, l'immense globe flamboyant parut. Et Jeanne se sentait devenir folle de bonheur. Une joie délirante, un attendrissement infini devant la splendeur des choses noya son cœur qui défaillait. C'était son soleil, son aurore, le commencement de sa vie, le lever de ses espérances. Elle tendit les bras vers l'espace rayonnant avec une envie d'embrasser le soleil. Elle voulait parler, crier quelque chose de divin comme cette éclosion du jour. Mais Elle demeurait paralysée, dans un enthousiasme impuissant. Alors, posant son front dans ses mains, elle sentit ses yeux pleins de larmes et elle pleura délicieusement.